Chapitre 6e. Retour dans le Midi. Aux vacances qui suivirent, le départ pour le Midi et pour les montagnes m'enchanta plus que la première fois. Comme l'année précédente, nous nous mîmes en route, ma sœur et moi, au commencement d'août. Ce n'était plus une course à l'aventure, il est vrai, mais le plaisir de revenir là et d'y retrouver tout ce qui m'avait tant charmé dépassait encore l'amusement de s'en aller à l'inconnu. Entre le point où s'arrêtait le chemin de fer et le village où nos cousins demeuraient, pendant le long trajet en voiture, notre petit cocher de louage prit des traverses risquées, ne se reconnut plus et nous égara dans les recoins du reste les plus délicieux. Il faisait un temps rare, splendide, et avec quelle joie je saluais les premières paysannes portant sur la tête les grands vases de cuivre, les premiers paysans bruns parlant patois, le commencement des terrains couleur de sanguine et des genévriers de montagne. Vers le milieu du jour, pendant une halte pour faire reposer nos chevaux au creux d'une vallée d'ombre, dans un village perdu appelé Bérac, nous nous assîmes au pied d'un châtaignier, et là nous fûmes attaqués par les canards de l'endroit, les plus hardis, les plus mal élevés du monde, s'attroupant autour de nous avec des cris de la plus haute inconvenance. Au départ donc, quand nous fûmes remontés dans notre voiture, ces bêtes s'acharnant toujours à nous poursuivre, ma sœur se retourna vers eux, et avec la dignité du voyageur antique outragé par une population inhospitalière, s'écria « Canard de Bérac, soyez maudit !» Mais après tant d'années, je ne puis penser de sang-froid à mon fou rire d'alors. Surtout, je ne puis me rappeler cette journée sans regretter ce resplendissement de soleil et de ciel bleu, comme à présent je ne sais plus en voir. À l'arrivée, nous étions attendus sur la route au pont de la rivière et par les petits rénals qui agitaient leurs mouchoirs. Je retrouvai avec bonheur ma petite bande au complet. Nous avions un peu grandi les uns et les autres, nous étions plus hauts de quelques centimètres. Mais nous vîmes tout de suite qu'à part cela, nous n'avions pas changé, que nous étions aussi enfants et disposés au même jeu. Il y eut un orage effroyable à la tombée de la nuit, et pendant qu'il tenait à tout briser, comme si on eût tiré des salves d'artillerie sur le toit de la maison de mon oncle, pendant que toutes les vieilles gargouilles du village vomissaient de l'eau tourmentée et que des torrents coulaient sur les pavés en galets noirs des rues, nous nous étions réfugiés, les petits Peyral et moi, dans la cuisine, pour y faire tapage plus à notre aise et danser des rondes. Très grande, cette cuisine, garnie suivant la mode ancienne d'un arsenal d'ustensiles en cuivre rouge, série de poêles et de chaudrons, accrochés aux murailles par ordre de grandeur, et brillant comme des pièces d'armure. Il faisait presque noir. On commençait à sentir la bonne odeur de l'orage, de la terre mouillée, de la pluie d'été, et par les épaisses fenêtres Louis XIII, grillées de fer, entraient de minute en minute les grandes lueurs vertes aveuglantes qui nous obligeaient, malgré nous, de cligner des yeux. Nous tournions comme des fous en chantant à quatre voix l'astre des nuits dans son paisible éclat, une chanson sentimentale qui n'a jamais été faite pour danser, mais que nous scandions drôlement par moquerie pour l'accommoder en air de route. Cela dura je ne sais combien de temps, cette sarabande de joie, l'orage nous portant sur les nerfs, l'excès de bruit et de vitesse tournante nous grisant comme des petits derviches. C'était la fête de mon retour célébrée. C'était une manière d'inaugurer dignement les vacances, de narguer le grand singe, d'ouvrir la série des expéditions et enfantillages de toutes sortes qui allaient recommencer demain pire que jamais. Le lendemain, je m'éveillai au petit jour, entendant un bruit cadencé dont mon oreille s'était déshabituée. Le tisserand voisin commençant déjà, dès l'aube, le va-et-vient de ses métiers centenaires. Alors, la première minute d'indécision une fois passée, je me rappelais avec une joie débordante que je venais d'arriver chez l'oncle du Midi, que c'était le matin du premier jour, que j'avais en perspective tout un été de grand air et de libre fantaisie. Août et tout septembre, deux de ces mois qui me passent à présent comme des jours, mais qui me semblaient alors avoir de très respectables durées. Avec ivresse, au sortir d'un bon sommeil, je repris conscience de moi-même et des réalités de ma vie. J'avais de la joie à mon réveil. Ce matin-là, donc, j'eus de la joie à mon réveil et je me levai de bonne heure, ne pouvant tenir en paix dans mon lit, empressé d'aller courir, me demandant même par où j'allais commencer ma tournée d'arrivée. Tous les recoins du village à revoir, et les remparts gothiques, et la délicieuse rivière, et le jardin de mon oncle où, depuis l'an passé, les plus improbables papillons avaient pu élire domicile, et des visites à faire, dans de vieilles maisons curieuses à toutes les bonnes femmes du voisinage, qui l'été dernier m'avaient comblé, comme par redevance, des plus délicieux raisins de leurs vignes. une certaine Madame Jeanne surtout, vieille paysanne riche, qui s'était prise d'adoration pour moi, qui faisait toutes mes volontés et qui, chaque fois qu'elle passait, revenant du lavoir comme Nausicaa, roulait d'impayables regards en coulisses du côté de la maison de mon oncle, à mon intention. Et les vignes et les bois d'alentour, et tous les sentiers de montagne, et Castelnau là-bas, dressant ses tours crénelées sur son piédestal de châtaigniers et de chênes, m'appelant dans ses ruines. Où courir d'abord, et comment se lasser d'un tel pays ?